La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 4e, à qui est due la grandeur des Romains. Chapitre 10. Des systèmes qui attachent des dieux différents aux différentes parties de l'univers. Pourquoi avoir marié Jupiter avec Junon qu'on nous donne pour être à la fois, et sa sœur et sa femme? Virgile, Énéide, livre 1er, vers 47. C'est, dit-on, que Jupiter occupe les terres, Junon, l'air, et que ces deux éléments, l'un supérieur, l'autre inférieur, sont étroitement unis. Mais alors, si Junon remplit la moitié du monde, et l'autre de sa place à ce dieu dont le poète a dit, tout est plein de Jupiter. Dira-t-on que les deux divinités remplissent l'une et l'autre les deux éléments et qu'elles sont ensemble chacun d'eux? Je demanderai pourquoi l'on assigne particulièrement les terres à Jupiter et l'air à Junon? D'ailleurs, s'il suffit de ces deux divinités pour tout remplir, à quoi sert d'avoir donné la mer à Neptune et la terre à Pluton? Et qui plus est, de peur de laisser sept dieux sans femme, on a marié Neptune avec Salacie et Pluton avec Proserpine. C'est, dit-on, que Proserpine occupe la région inférieure de la terre, comme Salacie la région inférieure de la mer, et Junon la région inférieure du ciel, qui est l'air. Voilà comment les païens essaient de coudre leur fable, mais ils n'y parviennent pas, car si les choses étaient comme ils le disent, leurs anciens sages admettraient trois éléments et non pas quatre, afin d'en accorder le nombre avec celui des couples divins. Or, ils distinguent positivement les terres d'avec l'air. Quant à l'eau, supposez que l'eau supérieure diffère en quelque façon de l'eau inférieure, en haut ou en bas, c'est toujours de l'eau. De même pour la terre, la différence du lieu peut bien changer ses qualités, mais non sa nature. Maintenant, avec ces trois ou ces quatre éléments, voilà le monde complet. Où donc sera Minerve? Quelle partie du monde aura-t-elle à remplir? Quel lieu à habiter? Car on s'est avisé de la mettre au Capitole avec Jupiter et Junon, bien qu'elle ne soit pas le fruit de leur mariage. Si on dit qu'elle habite la plus haute région de l'air et que c'est pour cela que les poètes la font naître du cerveau de Jupiter, je demande pourquoi on ne l'a pas mise à la tête des dieux, puisqu'elle est située au-dessus de Jupiter. Serait-ce qu'il n'eût pas été juste de mettre la fille au-dessus du père? Mais alors pourquoi n'a-t-on pas gardé la même justice entre Jupiter et Saturne? C'est, dira-t-on, que Saturne a été vaincu par Jupiter. Ces deux dieux se sont donc battus. Point du tout, s'écrit-on. Ce sont là des bavardages de la fable. Eh bien, soit, ne croyons pas à la fable et ayons meilleure opinion des dieux. Puis donc que l'on n'a pas mis Saturne au-dessus de Jupiter, que ne plaçait-on le père et le fils sur le même rang? C'est, dit-on, que Saturne est l'image du temps, Cicéron, de la nature des dieux, 2:25. À ce compte, ceux qui adorent Saturne adorent le temps, et voilà Jupiter, le roi des dieux, qui est issu du temps. Aussi bien, quelle injure fait-on à Jupiter et à Junon de dire qu'ils sont issus du temps, s'il est vrai que Jupiter soit le ciel et Junon la terre, le ciel et la terre ayant été créés dans le temps? C'est la doctrine qu'on trouve dans les livres de leurs savants et de leurs sages, et Virgile s'inspire, non des fictions de la poésie, mais des systèmes des philosophes, quand il dit, alors le Père Tout-Puissant, l'éther, descend au sein de son épouse et la réjouit par des pluies fécondes. Virgile, Géorgique. C'est-à-dire qu'il descend au sein de Tellus ou de la terre, car encore ici, on veut voir des différences et soutenir qu'autre chose est la terre, autre chose tellus, autre chose enfin tellumo. Chacune de ces trois divinités a son nom, ses fonctions, son culte et ses autels. On donne encore à la terre le nom de mère des dieux, en sorte qu'il n'y a pas tant à se récrier contre les poètes, puisque voilà les livres sacrés qui font de Junon, non seulement la sœur et la femme, mais aussi la mère de Jupiter. On veut encore que la terre soit serrée sous Vesta, quoique le plus souvent Vesta ne soit que le feu, la divinité des foyers, sans lesquels une cité ne peut exister. Et c'est pour cela que l'on consacre des vierges au service de Vesta, le feu ayant cette analogie avec les vierges, que, comme elles, ils n'enfantent rien. Mais ces 20 fantômes devaient s'évanouir devant celui qui a voulu naître d'une vierge, et qui pourrait souffrir, en effet, qu'après avoir attribué au feu une dignité si grande et une sorte de chasteté, ils ne rougissent point d'identifier quelquefois Vesta avec Vénus, afin sans doute que la virginité, si révérée dans les Vestales, ne soit plus qu'un vain nom. Si Vesta n'est autre que Vénus, comment des vierges la serviraient-elles en s'abstenant des œuvres de Vénus? Y aurait-il par hasard deux Vénus, l'une vierge et l'autre épouse? Ou plutôt trois, la Vénus des vierges ou Vesta, la Vénus des femmes, et la Vénus des courtisanes, à qui les Phéniciens offraient le prix de la prostitution de leurs filles avant que de les marier? Eusèbe, préparation évangélique. Laquelle de ces trois Vénus est la femme de Vulcain? Ce n'est pas la Vierge, puisqu'elle a un mari. Loin de moi la pensée que ce soit la courtisane, ce serait faire trop d'injures au fils de Junon, à l'émule de Minerve. C'est donc la Vénus des épouses, mais alors que les épouses prennent garde d'imiter leur patronne dans ce qu'elle a fait avec Mars. Vous en revenez encore aux fables, me dira-t-on. Mais, en vérité, où est la justice à nos adversaires de s'emporter contre nous, quand nous parlons ainsi de leur Dieu, et de ne pas s'emporter contre eux-mêmes, quand ils assistent avec tant de plaisir au spectacle des crimes de cet Dieu, et, chose incroyable si le fait n'était pas avéré, quand ils veulent faire tourner à l'honneur de la divinité ces représentations scandaleuses. Note. Minerve fut placée en Capitole sous Tarquin le Superbe. Voyez Denis d'Halicarnasse, Antiquité, livre 4, chapitre 62. Junon, cité ici comme figurant la terre, est cité plus haut comme figurant l'air. Il n'y a pas là proprement inexactitude, ni contradiction. Junon, par rapport à Jupiter, c'est l'élément inférieur par rapport à l'élément supérieur. Quand Jupiter figure les terres, Junon figure l'air. Quand Jupiter désigne le ciel, Junon désigne la terre. Voyez Varron, de la langue latine, livre 5, chapitre 27. Terra désignait l'élément terrestre dans son unité, tellus, la capacité passive de la terre, tellumo, son énergie active et fécondante. Voyez livre 7, chapitre 23. Chapitre 11. De cette opinion des savants du paganisme que tous les dieux ne sont qu'un seul et même dieu, savoir, Jupiter. Qu'ils apportent donc tant de raisons physiques et autant de raisonnements qu'il leur plaira pour établir tantôt que Jupiter est l'âme du monde, laquelle pénètre et meut toute cette masse immense composée de quatre éléments ou d'un plus grand nombre, tantôt qu'il donne une part de sa puissance à sa sœur et à ses frères, tantôt qu'il est l'éther et qu'il embrasse Junon, qui est l'air répandu au-dessous de lui, tantôt qu'avec l'air il est tout le ciel, et que, par ses pluies et ses semences, il féconde la terre, qui se trouve être à la fois sa femme et sa mère, car cela n'a rien de déshonnête entre dieux. Tantôt enfin, pour n'avoir pas à voyager dans toute la nature, qu'il est le Dieu unique, celui dont a voulu parler, au sentiment de plusieurs, le grand poète qui a dit « Dieu circule à travers toutes les terres, toutes les mers, toutes les profondeurs des cieux. » Virgile, Géorgique. Qu'ainsi, dans les terres, il soit Jupiter, dans l'air, Junon, dans la région supérieure de la mer, Neptune, et Salacie dans la région inférieure, Pluton au haut de la terre, et au bas, Proserpine, dans les foyers domestiques, Vesta, dans les forges, Vulcain, parmi les astres, le soleil, la lune et les étoiles, parmi les devins, Apollon, dans le commerce, Mercure, en tout ce qui commence, Janus, et Terminus en tout ce qui finit, dans le temps, Saturne, dans la guerre, Mars et Bélone, dans les fruits de la vigne, Libère, dans les moissons, Cérès, dans les forêts, Diane, dans les arts, Minerve, enfin, qu'il soit encore cette foule de petits dieux, pour ainsi dire plébaïens, qu'il préside, sous le nom de Libère, à la vertu génératrice des hommes, et sous le nom de Libra à celle des femmes, qu'il soit diespité, signifie probablement père du jour, qui conduit les accouchements à terme, Mona, qui veille au flux menstruel, Lucina, qu'on invoque au moment de la délivrance, que sous le nom d'Opis, il assiste les nouveau-nés et les recueille sur le sein de la terre, qu'il leur ouvre la bouche à leur premier vagissement et soit alors le dieu Vaticanus, qu'il devienne Levana pour les soulever de terre, et Cunina pour les soigner dans leur berceau, qu'il réside en ces déesses qui prophétisent les destinées, et qu'on appelle Carmente, qu'il préside, sous le nom de Fortune, aux événements fortuits, qu'il soit Rumina, quand il présente aux enfants la mamelle, par la raison que le vieux langage nomme la mamelle Ruma, qu'il soit Potina pour leur donner à boire, et Educa, Potina de Potar, boire, Educa de Educar, nourrir, pour leur donner à manger, qu'ils doivent à la peur enfantine le nom de Paventin, à l'espérance qui vient celui de Venilia, à la volupté celui de Volupia, à l'action celui d'Agenoria, au stimulant qui pousse l'action jusqu'à l'excès, celui de Stimula, qu'on l'appelle Strenia, parce qu'il excite le courage, Numeria, comme enseignant à nombrer, Camena, comme apprenant à chanter, qu'il soit le dieu Consus, pour les conseils qu'il donne, et la déesse Sentia pour les sentiments qu'il inspire. Qu'il veille, sous le nom de Juventa, au passage de l'enfance à la jeunesse, qu'il soit encore la fortune barbue, qui donne de la barbe aux adultes, et qu'on aurait dû, pour leur faire honneur, appeler du nom mâle de Fortunius, plutôt que d'un nom femelle, à moins qu'on eût préféré, selon l'analogie qui a tiré le dieu Nodatus des nœuds de la tige, donner à la fortune le nom de Barbatus, puisqu'elle a les barbes dans son domaine. Que ce soit encore le même dieu qu'on appelle Jugatinus, quand il joint les époux, Virginien VI, quand il détache du sein de la jeune mariée la ceinture virginale, qu'il soit même, s'il n'en a point de honte, le dieu Mutunus ou Tutunus, que les Grecs appellent Priape. En un mot, qu'il soit tout ce que j'ai dit et tout ce que je n'ai pas dit, car je n'ai pas eu dessein de tout dire, que tous ces dieux et toutes ces déesses forment un seul et même Jupiter, ou que toutes ces divinités soient ses parties, comme le pensent quelques-uns, ou ses vertus, selon l'opinion qui fait de lui l'âme du monde, admettons enfin celle de ces alternatives qu'on voudra, sans examiner en ce moment ce qu'il en est. Je demande ce que perdraient les païens à faire un calcul plus court et plus sage, et à n'adorer qu'un seul Dieu? Que mépriserait-on de lui, en effet, en l'adorant lui-même? Si l'on n'a eu à craindre que quelque partie de sa divinité omise ou négligée ne vînt à s'en irriter, il n'est donc pas vrai qu'il soit, comme on le prétend, la vie universelle embrassant dans son unité tous les dieux comme ses vertus, ses membres ou ses parties. Et il faut croire alors que chaque partie a sa vie propre, séparée de la vie des autres parties, puisque l'une d'elles peut s'irriter, s'apaiser, s'émouvoir sans l'autre. Dira-t-on que toutes ces parties ensemble, c'est-à-dire tout Jupiter s'offenserait, si chaque partie n'était point particulièrement adorée? Ce serait dire une absurdité, car aucune partie ne serait négligée, du moment qu'on servirait celui qui les comprend toutes. D'ailleurs, sans entrer ici dans des détails infinis, quand les païens soutiennent que tous les astres sont des parties de Jupiter, qu'ils ont la vie et des âmes raisonnables, et qu'à ce titre ils sont évidemment des dieux, ils ne s'aperçoivent pas qu'à ce compte il y a une infinité de dieux qu'ils n'adorent pas et à qui ils n'élèvent ni temple, ni autel, puisqu'il y a très peu d'astres qui aient un culte et des sacrifices particuliers. Si donc les dieux s'offensent quand ils ne sont pas singulièrement adorés, comment les païens ne craignaient-ils pas, pour quelque dieu qu'ils se rendent propices, d'avoir contre tout le reste du ciel? Que s'ils pensent adorer toutes les étoiles en adorant Jupiter qui les embrasse toutes, ils pourraient donc aussi résumer dans le culte de Jupiter celui de tous les dieux. Ce serait le moyen de les contenter tous. Au lieu que le culte rendu à quelques-uns doit mécontenter le nombre beaucoup plus grand de ceux qu'on néglige, surtout quand il se voit préférer un priapétalence à nudité obscène, eux qui resplendissent de lumière dans les hauteurs du ciel. Note. La déesse Opis ne doit pas être confondue avec Opea Aurea, femme de Saturne. Voyez Servius, sur l'Énéide de Virgile, Livre 11, 532. Sur le rôle de ces déesses, voyez au Lugel, livre 16, chapitre 16. Sur le dieu Mutunus ou Tolcion, voyez Arnob, contre les gentils livre 4, et Lactance, institution divine, livre 1er, chapitre 20. Chapitre 12. Du système qui fait de Dieu l'âme du monde et du monde le corps de Dieu. Que dirais-je maintenant de ces doctrines d'un Dieu partout répandu? Ne doit-elle pas soulever tout homme intelligent ou plutôt tout homme quel qu'il soit? Certes, il n'est pas besoin d'une grande sagacité, à quiconque sait se dégager de l'esprit de contention, pour reconnaître que si Dieu est l'âme du monde et le monde le corps de cette âme, si ce Dieu réside en quelque façon au sein de la nature, contenant toute chose en soi, de telle sorte que l'âme universelle qui vivifie la masse tout entière soit la substance commune d'où naissent chacune à son tour les âmes de tous les vivants, il suit de là qu'il n'y a aucun être qui ne soit une partie de Dieu. Or, qui ne voit que les conséquences de ce système sont impies et irréligieuses au suprême degré, puisqu'il s'ensuit qu'en marchant sur un corps, je marche sur une partie de Dieu, et qu'en tuant un animal, c'est une partie de Dieu que je tue. Mais je ne veux pas dire tout ce que peut ici suggérer la pensée, sans que le langage puisse décemment l'exprimer. Chapitre 13. Du système qui n'admet comme partie de Dieu que les seuls animaux raisonnables. Dira-t-on qu'il n'y a que les animaux raisonnables, comme les hommes, par exemple, qui soient des parties de Dieu? Mais si le monde tout entier est Dieu, je ne vois pas de quel droit on retrancherait aux bêtes leur portion de divinité. Au surplus, à quoi bon insister, ne parlons que de l'animal raisonnable, de l'homme. Quoi de plus tristement absurde que de croire qu'en donnant le fouet à un enfant, on le donne à une partie de Dieu. Que dire de ces parties de Dieu qui deviennent injustes, impudiques, impies, damnables enfin, si ce n'est que pour supporter de pareilles conséquences, il faut avoir perdu le sens. Je demanderai enfin pourquoi Dieu s'irrite contre ceux qui ne l'adorent pas, puisque c'est s'irriter contre des parties de soi-même. Il ne reste donc qu'une chose à dire, c'est que chacun des dieux a sa vie propre, qu'il vit pour soi, sans faire partie d'un autre que soi, et qu'il faut adorer, sinon tous les dieux, car ils sont tellement nombreux que cela est impossible, du moins tous ceux que l'on peut connaître et servir. Ainsi, comme Jupiter est le roi des dieux, j'imagine que c'est à lui qu'on attribue la fondation et l'accroissement de l'Empire romain. Car s'il n'était pas l'auteur d'un si grand ouvrage, à quel autre dieu pourrait-on faire honneur, chacun ayant son emploi distinct qu'il occupe passé et ne lui laisse pas le temps d'entreprendre sur la charge des autres. Il n'y a donc sans contredit que le roi des dieux qui ait pu travailler à l'accroissement et à la grandeur du roi des peuples. Chapitre 14. On a tort de croire que c'est Jupiter qui veille à la prospérité des empires, attendu que la victoire, si elle est une déesse, comme le veulent les païens, a pu seule suffire à cet emploi. Je demanderai ici tout d'abord pourquoi on n'a pas fait de l'empire un dieu. On n'en peut donner aucune raison, puisqu'on a fait de la victoire une déesse. Qu'est-il même besoin dans cette affaire de recourir à Jupiter, si la victoire a ses faveurs et ses préférences, et si elle va toujours trouver ceux qu'elle veut rendre vainqueurs? Avec la protection de cette déesse, quand même Jupiter resterait les bras croisés ou s'occuperait d'autre chose, de quelle nation, de quel royaume ne viendrait-on pas à bout? On dira que les gens de bien sont arrêtés par la crainte d'entreprendre des guerres injustes qui n'ont d'autre objet que de s'agrandir aux dépens de voisins pacifiques et inoffensifs. Voilà de beaux sentiments, si ce sont ceux de mes adversaires, je m'en réjouis et je m'en félicite. Chapitre 15. S'il convient à un peuple vertueux de souhaiter de s'agrandir. Mais il y a dès lors une nouvelle question qui s'élève, c'est de savoir s'il convient à un peuple vertueux de se réjouir de l'agrandissement de son empire. La cause, en effet, ne saurait en être que dans l'injustice de ses voisins qui en l'attaquant sans raison lui ont donné occasion de s'agrandir justement par la guerre. Supposez, en effet, qu'entre tous les peuples voisins régnassent la justice et la paix, tout état serait de peu d'étendue, et au sein de cette médiocrité et de ce repos universel les divers états seraient dans le monde ce que sont les diverses familles dans la cité. Ainsi la guerre et les conquêtes, qui sont un bonheur pour les méchants, sont pour les bons une nécessité. Toutefois, comme le mal serait plus grand si les auteurs d'une agression injuste réussissaient à subjuguer ceux qui ont eu à la subir, on a raison de regarder la victoire des bons comme une chose heureuse. Mais cela n'empêche pas que le bonheur ne soit plus grand de vivre en paix avec un bon voisin que d'être obligé d'en subjuguer un mauvais. Car il est d'un méchant de souhaiter un sujet de haine ou de crainte pour avoir un sujet de victoire. Si donc ce n'est que par des guerres justes et légitimes que les Romains sont parvenus à posséder un si vaste empire, je leur propose une nouvelle déesse à adorer. C'est l'injustice des nations étrangères, qui a si fort contribué à leur grandeur par le soin qu'elle a pris de leur susciter d'injustes ennemis, à qui ils pouvaient faire justement et avantageusement la guerre. Et pourquoi l'injustice ne serait-elle pas une déesse, et une déesse étrangère, puisque la crainte, la pâleur et la fièvre sont au rang des divinités romaines? C'est donc à ces deux déesses, l'injustice étrangère et la victoire, qu'il convient d'attribuer la grandeur des Romains, l'une pour leur avoir donné des sujets de guerre, l'autre pour les avoir heureusement terminés sans que Jupiter ait eu la peine de s'en mêler. Quelle part en effet pourrait-on lui attribuer, du moment où les faveurs qui seraient réputées venir de lui sont elles-mêmes prises pour des divinités, et sont honorées et invoquées comme telles? Il y aurait part s'il s'appelait Empire, comme l'autre s'appelle Victoire. Or, si l'on dit que l'Empire est un présent de Jupiter, pourquoi la Victoire n'en serait-elle pas un aussi? Et certes elle en serait un en effet, si au lieu d'adorer une pierre au Capitole, on reconnaissait et on adorait le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. Chapitre 16. Pourquoi les Romains, qui attachaient une divinité à tous les objets extérieurs et à toutes les passions de l'âme, avaient placé hors de la ville le temple du repos? Je suis fort surpris que les Romains, qui affectaient une divinité à chaque objet et presque à chaque mouvement de l'âme, et qui avaient bâti des temples dans la ville à la déesse Genoria, qui nous fait agir, à la déesse Stimula, qui nous stimule aux actions excessives, à la déesse Murcia, qui, tout au contraire, au lieu de nous exciter, nous rend, dit Pomponius, mou et languissant, à la déesse Tronia, qui nous donne de la résolution. Je m'étonne, dis-je, qu'il n'ait pas voulu admettre le repos aux honneurs publics de Rome et les laisser hors de la porte colline. Était-ce un signe de leur esprit ennemi du repos, ou plutôt n'était-ce pas une preuve que les adorateurs obstinés de cette troupe de divinités ou plutôt de démons ne peuvent jouir de ce repos auquel le vrai médecin nous convie, quand il dit « Apprenez de moi à être doux et humble de cœur, et vous trouverez dans vos âmes le repos » Matthieu 11, 29. Note. Il y a ici un rapport intraduisible dans les mots. La déesse Murcia, dit saint Augustin d'après Pomponius, rend l'homme murcidus, c'est-à-dire mou et languissant. Quel est ce Pomponius? On l'ignore. Le temple du repos était situé sur la voie Lavicana, qui commençait à la porte Esquilina. Voyez Tite Live, 4, 41. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.